Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Passe d'armes à la Chambre des députés. La scène se passe en décembre 1831, sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe étant roi des Français. François Mauguin, député d'opposition, prend la parole. Il dit « Mais que fait la police ? Elle enrôle des vagabonds, des libérés, des repris de justice, des hommes dont le chef lui-même indique la moralité, en donnant à entendre que plusieurs vols seront commis dans la soirée. On les enrôle, on leur promet paiement. Mouvement dans l'Assemblée, les policiers seraient donc des provocateurs. » Le président du Conseil, Casimir Perier, répond. Vous sentez, messieurs, que lorsqu'on ne prend pas, contre de pareilles accusations, le parti du silence, qui, en certains cas, est aussi une réponse éloquente, il faut les repousser jusqu'au bout, sans faire grâce d'aucun détail. Ah, police, je t'aime, police, moi non plus. Nous étions en 1831, mais que fait la police ? Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, le peuple et sa police. Nous avons regardé la police des Lumières, une police éclairée, point d'interrogation. Comment la police est-elle devenue républicaine ? Et puis hier, nous avons parlé avec Daniel Tartakovsky de Tenir la rue quand le pavé est battu. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, c'est le podcast. Et aujourd'hui, mais que fait la police ? L'hostilité envers la police est-elle un invariant historique ? Et remettre en cause la police, est-ce remettre en cause l'État ? Avec vous, Arnaud-Dominique Hout, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, vous êtes spécialiste de la police avec une lecture sociale de la police, et c'est important parce que ces policiers sont des hommes. Alors vous travaillez principalement sur le 19e siècle, donc on a des hommes. Vous avez écrit gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord, le métier de gendarme au 19e siècle. Et puis là, hein, vous venez de co-diriger cet ouvrage qui va faire référence, c'est certain, parce que c'est l'histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours, chez Belin. Quelle est la nécessité pour l'historien de porter un regard social, une lecture sociale de la police ? Ben, un des enjeux, justement, c'est de comprendre que quand on parle de police, on parle d'abord de policiers, d'hommes et de femmes, effectivement, à partir de la fin du XXe siècle, mais donc d'individus qui sont eux-mêmes très différents et dont l'origine sociale, les motivations, l'idéologie éventuellement, les comportements en tout cas, ne peuvent pas se réduire justement à un texte de loi. Un policier, c'est pas uniquement un règlement qui s'appliquerait, c'est aussi, dans une large mesure, des individus qui ont aussi une marge d'appréciation. Alors bien sûr, contrainte par l'institution et la hiérarchie, mais tout de même, c'est important de savoir qui ils sont pour savoir ce qu'ils font. Et là où ils sont, c'est de l'histoire, donc le contexte est toujours essentiel pour comprendre les actions des policiers. Et pour parler de cette police, mais que fait la police ? Jean-Claude Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à l'École normale supérieure. Vous venez de publier « L'art de ne pas être trop gouverné ». Votre ouvrage précédent, c'était « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie politique du charisme ?» C'est sûr que pour la philosophie, cette réflexion sur le rapport au pouvoir est presque un passage obligé. Le pouvoir, c'est ce qui nous importe. Et cela vous conduit obligatoirement à avoir une lecture historique de la chose. Oui, bien sûr, si on aborde la question du pouvoir d'une manière très générale, bon, on peut évidemment l'élaborer en termes de rapport du sujet, du souverain, en termes de juridique, etc. Ensuite, si on entre dans la réalité historique du pouvoir, on est amené à détailler ses appareils, ses organes, et dans ce cas-là, à entrer effectivement dans l'histoire changeante hein, de ce qui fait concrètement l'État, par exemple le contrôle de l'État sur un territoire, une population, et dans ce cas-là, on est amené à s'interroger, à s'intéresser à des zones qui ne sont pas forcément celles qui ont été privilégiées par la philosophie politique, qui ont intéressé des philosophes plus récents, et qui peuvent être justement ce qu'on a appelé par exemple l'état de police, la science de la police, des dimensions de l'art de gouverner qui sont plutôt des zones grises, hein, qui ne sont pas forcément les grands textes juridiques ou constitutionnels, mais qui sont très importants évidemment pour appréhender la réalité de ce que c'est que gouverner un territoire, une population. Jean-Claude Monod, dans l'art de ne pas être trop gouverné, c'est vrai que vous remontez jusqu'à la réforme protestante, obligatoirement, il y a ce regard-là sur le temps long. La réforme protestante, pourquoi ? La réforme protestante, c'était parce que je me suis intéressé, en suivant des textes de Michel Foucault, à ce qu'il appelait justement l'art de ne pas être trop gouverné, donc à des formes de révolte ou de crise de gouvernementalité, comme il disait. Et le premier exemple historique qu'il donne, c'est celui de cet ensemble de mouvements, parce que la réforme protestante, c'est un ensemble de mouvements qui ont contesté, ici plutôt l'Église, hein, plutôt le pouvoir pastoral, mais qui souvent se sont étendus à d'autres pouvoirs. On commence par contester l'Église, et puis on conteste le Seigneur, éventuellement les paysans contestent leur Seigneur, contestent l'impôt, etc. Ça peut déboucher sur la guerre des paysans. Donc c'était cette idée de crise qui, au départ, a un point d'ancrage assez local, par exemple une question de spiritualité ou de religion, et puis qui peut s'élargir à tout un ensemble de relations de pouvoir. Et en tirant le fil, nous arrivons à la contestation de la domination économique. Nous allons en parler, mais pour le moment, je vous propose d'aller voir Guignol. Oui, Guignol, mais à travers les actualités françaises à la télévision. C'était le 6 avril 1950. La psychanalyse va nous aider à répondre à ces questions qui restaient pour tant de parents sans réponse. Car si l'adulte trouve une aide efficace auprès du psychanalyste, en lui racontant ses angoisses et ses obsessions, ce n'est qu'à travers les jeux et les dessins de l'enfant que le psychologue pourra déceler les troubles qui déforment son comportement. Un dessin naïf peut exprimer tant de drames. Le trop calme, Philippe n'a que 8 ans, mais déjà il modèle d'instinct des revolvers. Guignol lui permet d'extérioriser sa révolte contre l'autorité. Le gendarme se fait rosser. Le gendarme ou un professeur ou un père peut-être. Et ce dessin dans lequel il se fait aussi grand que son père indique un sentiment d'agressivité contre l'école et contre l'autorité paternelle. Ah, le sentiment de rébellion contre l'autorité à travers Guignol. Arnaud Hout, dans cette réflexion sur l'hostilité comme invariant historique envers la police, et nous allons développer d'ailleurs cette notion de la police qui est un terme générique, c'est vrai qu'en travaillant sur le 19e siècle et plus tard encore, c'est une constante. On critique la police. Absolument. Alors l'exemple de Guignol est très intéressant parce que pour le coup, c'est un exemple très ancien, puisqu'on a des traces du Guignol lyonnais, du Lafleur picard, dans différentes régions, des théâtres de marionnettes, où de manière rituelle, on va frapper l'autorité, et l'agent de l'autorité, c'est le gendarme. Au 19e siècle, c'est vraiment la figure emblématique dans les théâtres de marionnettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution. Dans la première moitié du 19e siècle, c'est un spectacle qui est quand même assez sulfureux, qui est mal vu, qui est d'ailleurs très surveillé par les autorités. Il y a des rapports de police pour vérifier tout de même ce qui se dit autour du spectacle. On est dans quelque chose qui est subversif. Mais plus on avance vers la fin du 19e siècle, dans la Troisième République, plus ça devient un spectacle pour enfants. Ça devient le Guignol des Champs-Élysées, le Guignol du Luxembourg, qui est en revanche tout à fait socialement intégré. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la critique de la police, finalement, va être intégrée, intériorisée. D'une certaine manière, elle va être neutralisée et tout simplement, du même coup, folklorisée. Oui, folklorisée, cette critique de la police, c'est quelque chose que nous croisons sans cesse dans la littérature, quand nous regardons les gravures. La police est critiquée. La police, définissons un peu ce qu'est cette police. Parce que vous, Arnaud, vous avez travaillé sur les gendarmes. Alors, policiers, gendarmes, comment se construit ce panorama des forces de l'ordre, pour le dire simplement, dès le 19e siècle ? On va dire qu'au début du 19e siècle, on a un paysage qui est à peu près clarifié avec une police à statut militaire, ce sont des militaires, ce sont les gendarmes, qui sont en fait, à cette époque-là, au 19e siècle, la seule police nationale, dans la mesure où ils sont présents sur tout le territoire. On a à côté une institution, enfin des institutions civiles, donc des polices qui ont un statut assez compliqué parce que souvent ce sont des polices à statut municipal, mais avec quelques unités au statut national, et là, bah, on a la préfecture de police de Paris, on a des polices un peu partout sur le territoire, et on a donc bien deux modèles, l'un civil, l'autre militaire, qui sont pas très différents en réalité, hein, puisque ce sont à peu près les mêmes types de fonctionnement, c'est aussi le même type d'individu. Quand on dit que les policiers sont des civils, au 19e siècle, ce sont tous d'anciens militaires et qui ont une culture très militaire également. Sur ces policiers contestés au 19e siècle, Jean-Claude Monod, il y a dans l'idée de s'opposer au concret de la rue, du gendarme ou du policier éventuellement, un échelon à passer. C'est contester l'autorité et de la police, nous arrivons très vite à une contestation plus globale, peut-être celle de l'État. Oui, parce que la police a pu apparaître, je pense que ça est constitué historiquement, ça c'est une histoire assez longue, mais comme au fond presque la quintessence de l'État. Alors dans une certaine vision peut-être, hein, plutôt qu'on trouve plutôt à gauche peut-être, chez les anarchistes, ou d'ailleurs chez Marx quand il présente l'État comme un organe de répression au service de la classe dominante. Et donc la police c'est la quintessence de cette répression au service de la classe dominante dans un certain imaginaire. Et donc si on conteste la police, en général ça n'est pas contre la police ou les policiers eux-mêmes, c'est plutôt en tant qu'ils sont vus comme les représentants et comme ceux qui font tenir un ordre social, un ordre économique, inégalitaire, etc. Donc je pense qu'il y a toujours ce rapport, effectivement, qui voit dans la police un organe qui fait appliquer une loi, mais une loi qui est elle-même inégale, enfin qui fait éventuellement d'ailleurs appliquer une loi et qui déborde cette loi. Il y a cette question évidemment des abus, hein, qui est, je pense, très importante dans la perception de la police, y compris de la police républicaine. Et puis il y a la question de l'ordre que fait respecter cette police, de l'ordre inégalitaire. Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement la police, c'est toujours quelque chose qui se joue à la fois au cœur, au sens où c'est vu comme l'institution qui fait tenir l'État, et en même temps comme ce qui est toujours un peu à la marge de l'État, presque cette, on parle parfois, enfin c'est Étienne Balibar qui parle des zones d'exception, hein, de l'État. Il y a la loi et puis il y a des zones d'exception, et la police, bon, souvent c'est vu comme l'organe de la République, et en même temps comme ce qui par excellence peut faire des bavures, peut abuser de son pouvoir, et peut donc nous amener ailleurs que dans l'État de droit, que dans la zone de la loi. Donc c'est l'autorité dans ce qu'elle a de très ambigu. Et la réponse de l'autorité justement à cette contestation liée à ces zones d'ombre, à ce manque de réglementation, est de manière factuelle lue au XIXe siècle à des moments où il y a une réponse de l'autorité pour aller policer sa police de façon à ce qu'elle corresponde mieux aux attentes du peuple. Il y a des moments de forte contestation arnaoute au XIXe siècle de la police qui oblige justement à mieux gérer cette police. Absolument. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police est contestée quand elle se développe. Et là, c'est vraiment une sorte d'équation un peu systématique. Plus la police va être présente, va être active, plus, évidemment, elle va devoir justifier sa légitimité et plus elle va être contestée. Alors, il y a un moment qui est très éclairant de ce point de vue. C'est à partir des années 1840 et sous le Second Empire, le milieu du XIXe siècle. C'est un moment très important de transformation sociale avec la volonté pour l'État, justement, de renforcer son emprise sur la société. Il y a un exemple qui est très parlant, je crois, c'est la loi sur la police de la chasse. C'est la loi de 1844 qui institue un permis de chasse. Évidemment, on est au cœur d'une mesure qui a une logique d'ailleurs écologique, hein, qui est présentée comme telle, mais qui a aussi une logique clairement censitaire. On paye pour avoir le droit de chasser. Donc c'est très impopulaire auprès de la paysannerie. Ça provoque automatiquement des contestations. Et qui est chargé de faire respecter la loi ? Précisément les gendarmes. Et ce que disait Jean-Claude Monod est très juste, ces gendarmes, on va leur reprocher deux choses. D'abord d'appliquer une loi qui est considérée comme injuste, mais ensuite de bénéficier de la loi. Parce qu'on leur reproche de toucher des primes à chaque fois qu'ils font des procès-verbaux. En l'occurrence, c'est d'ailleurs assez faux parce qu'ils touchent très peu de primes. Mais évidemment, ici, c'est l'image qui va s'imposer. Et l'image, justement, c'est celle du gendarme qui s'enrichit finalement avec l'argent des pauvres gens. Et c'est ça qui nourrit une impopularité qui est très forte dans les campagnes du XIXe siècle. En miroir, évidemment, il est nécessaire pour cette gendarmerie, pour cette police, de s'adapter. Parce qu'on ne peut pas avoir une police qui soit en confrontation avec la société. Et donc, on va avoir des inflexions. Ce n'est pas des grandes lois, hein, ce n'est pas ici des réformes politiques majeures. C'est des mesures un peu de détail, un peu techniques. Et ces mesures, justement, elles ont pour objectif de faciliter l'insertion sociale de la gendarmerie, de la police, dans la société. Et cette police dans la société, cette police au village, nous la retrouvons dans une pétition pour des villageois que l'on empêche de danser. Elle est rédigée par Paul-Louis Courier, donc célèbre pour ses pamphlets. Nous sommes en juillet 1822, donc les pétitions pour les villageois, parce que ces villageois veulent danser, nous l'écoutons lu ce matin dans le cours de l'histoire par Antoine Beauchamp. Les gendarmes se sont multipliés en France, bien plus encore que les violons, quoique moins nécessaires pour la danse. Nous nous en passerions aux fêtes du village, et à dire vrai, ce n'est pas nous qui les demandons. Mais le gouvernement est partout aujourd'hui. Et cette ubiquité s'étend jusqu'à nos danses, où il ne se fait pas un pas dont le préfet ne veuille être informé, pour en rendre compte au ministre. De savoir à qui tant de soins sont plus déplaisants, plus à charge, et qui en souffre davantage, des gouvernants ou de nous, gouvernés, surveillés, c'est une grande question et curieuse, mais que je laisse à part, de peur de me brouiller avec les classes ou de dire quelques mots tendant à je ne sais quoi. Un extrait de la pétition pour des villageois que l'on empêche de danser de Paul-Louis Courier, lu par Antoine Beauchamp. C'est en 1822. Et en 1822, Courier dit « Les gendarmes se sont multipliés en France. Le gouvernement est partout. » Jean-Claude Monod, il y a en écho avec Foucault, notamment, ici, concrètement, l'idée que le pouvoir veut tout contrôler, c'est la biopolitique. On y est. Oui, oui, c'est vrai que ces expressions sont assez frappantes. Ce n'est pas nous qui demandons ce contrôle des danses. Le gouvernement est partout. Maintenant, nous gouverner, nous surveiller. Et donc, c'est cette perception, effectivement, d'un certain quadrillage qui a intéressé Foucault dans Surveiller et punir, et qui renvoyait d'ailleurs à une définition large de la police qu'on trouve au début du XVIIIe siècle dans le premier, je crois, traité de la police de Lamarre, qui définit quasiment la police comme ayant pour objet le vivant, l'homme actif, productif. Il faut l'encadrer, au fond, dans toutes les dimensions de son activité productive, dans toutes les dimensions. Alors là, la danse, c'est au-delà de l'activité productive, c'est dans ses loisirs, etc. Et évidemment, c'est une question, je pense, qui est toujours très importante, c'est pour déterminer jusqu'où doit aller le gouvernement des individus, et du coup, jusqu'où doit s'exercer le regard du gouvernement et de la police, jusqu'à quel degré de détail de la vie quotidienne et sous quelle modalité, parce qu'évidemment aujourd'hui on vit en même temps une grande transformation dans les modalités de contrôle et de surveillance. Et lorsqu'il avait intéressé Foucault ou Deleuze dans les années 70, c'était déjà un peu cette transformation, c'est-à-dire le passage d'un pouvoir plutôt répressif à un pouvoir de contrôle plus souple mais en même temps plus insidieux, qui agit au fond de manière plus discrète, moins répressive, plus enveloppante. Et c'est une dimension qui est très présente, je crois, aujourd'hui, avec évidemment le numérique, avec des modalités de contrôle qui ne sont pas du tout réductibles à la répression, mais où les gens se demandent jusqu'à quel degré de leur vie quotidienne ou de leur vie intime ils peuvent être surveillés. Et je pense que ces questions de Foucault sont aujourd'hui complètement reprises et rebattues par les nouvelles technologies de pouvoir. Arnaud Hout, en écho à ce qui vient d'être dit sur Foucault qui est une lecture essentielle, Michel Foucault, c'est de la philosophie, mais essentielle pour l'historien, pour analyser ce 19e siècle, et plus encore évidemment après, mais sur le 19e siècle, est-ce que l'on peut associer le rapport que le peuple a avec sa police à la volonté du pouvoir de mieux en mieux et de plus en plus contrôler la société? Alors effectivement, Foucault est une lecture centrale pour les historiens, une lecture qui a fait l'objet un petit peu de controverses, notamment chez les historiens du 19e siècle, parce qu'en fait Foucault, dans Surveiller et punir, fait de l'histoire du 19e, et il le fait d'une manière qui a pu justement agacer des historiens qui opposaient la poussière de l'archive au nuage de l'idée philosophique, pour montrer finalement ici que Foucault, il avait raison, mais en ayant tort dans le détail. C'est ce que je dis souvent, finalement. C'est souvent le cas de Foucault. Il a raison sur le fond, sur le mouvement, mais toutes les articulations qu'il développe sont discutables, et en particulier parce que ce renforcement de l'État, dont il décrit les mécanismes ici, les mécanismes justement disciplinaires, il est plus tardif, en fait. Il est plutôt justement deuxième moitié du 19e siècle, là où Foucault, lui, suit plutôt le discours écrit, les textes qui ne sont pas forcément appliqués, évidemment, au XIXe siècle. Mais ce qui est très important avec Foucault, c'est qu'il permet aussi de penser avec et contre lui. Et notamment, moi, il y a toujours un point qui m'a beaucoup intéressé chez Foucault, c'est sa volonté, justement, de comprendre la discipline et le pouvoir comme un mécanisme, où il explique dans ses cours au Collège de France que ce sont des machinistes. Alors, la formule, c'est en gros des machinistes dont le nom et le visage importent peu. Et au fond, moi, tout mon travail de thèse, c'était d'essayer de discuter ça, de dire que leur nom, peut-être qu'il importe peu, mais leur visage, et justement le contenu de ces agents du pouvoir, il infléchit aussi le fonctionnement de la discipline. Mais c'est ça la force ici, du système Foucault, c'est que C'est pas un système en réalité, c'est un espace de discussion et de réflexion. L'ouvrage de Foucault, de Michel Foucault, que nous citons souvent, c'est « Surveiller et punir », mais vous, Jean-Claude Monod, vous appuyez également sur d'autres textes, vous venez de les évoquer à Arnaud Hout, ce sont ses cours au Collège de France, hein, dans « L'art de ne pas être trop gouverné », votre ouvrage, Jean-Claude Monod, au Seuil. Il y a l'utilisation de ces cours au Collège de France qui montre l'évolution de la pensée de Foucault. Oui, parce que lui-même, je crois, a perçu quelque chose comme, disons, une tendance à accentuer ou à s'intéresser un peu trop exclusivement à la dimension, justement, des disciplines. Et ensuite, on voit que son intérêt s'est déplacé vers les formes de résistance, justement, et vers l'idée que le pouvoir, ou ce qu'il appelle à ce moment-là la gouvernementalité, est quelque chose de réversible, de plus souple. Il faut faire place, du coup, à la façon dont les gens y réagissent et peuvent transformer la façon dont ils sont gouvernés, justement, les droits des gouvernés. Voilà, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus au sérieux, je pense, à la fin des années 70. Et ce qui amène une autre image du pouvoir, peut-être moins cette image d'un pouvoir un peu anonyme, tentaculaire, qui contrôle tout, etc. Et quelque chose de beaucoup plus complexe où il y a des interactions avec les gouvernés, où les choses se transforment, y compris sûrement dans le rapport avec la police. Et effectivement, je trouve intéressant que la police, ça peut être abordé comme une espèce de bloc, hein, voilà, un organe qui s'impose. Et puis ça peut être abordé, comme vous le disiez, comme des gens. Et il y a un livre très intéressant, là, de la sociologue Alice Goffman, qui vient d'être traduit aux éditions du Seuil, hein, L'art de fuir, enquête sur une jeunesse dans le ghetto, une analyse, une enquête, hein, sur Philadelphie, sur une rue de Philadelphie, une rue presque entièrement habitée par des habitants noirs et qui sont vraiment gérés par la police, si on veut. Elle dit que c'est un peu le dernier service de l'État qui est présent dans ces quartiers. Et elle montre que, justement, vous disiez, ce sont des hommes et des femmes. Et, par exemple, ce sont beaucoup des femmes qui travaillent au service de la justice pénale, des femmes noires qui sont diplômées. Et donc, effectivement, il n'y a pas une extériorité complète de la police par rapport aux habitants des quartiers, comme on le voit d'ailleurs aussi dans le film Les Misérables. La police, c'est aussi des gens de ces quartiers, mais qui peuvent entrer dans une très grande tension avec le quartier. Et effectivement, je pense que là, la sociologie vient contrebalancer l'aspect un peu comme ça, trop caricatural, qu'une certaine lecture de Foucault peut nourrir de la police. Oui, une certaine lecture de Foucault, oui. Parce que Foucault se plonge également dans les sources, parfois dans son travail. Et vous, Arnaud Hout, c'est vrai qu'en travaillant une histoire sociale de la police et en regardant ces parcours d'hommes qui rentrent après des carrières militaires dans la gendarmerie, vous avez accès à l'écart qui existe entre le discours et puis ce qui se passe dans la réalité de la vie de ces gendarmes. Tout à fait. Un des éléments les plus frappants, hein, pour le 19e siècle, c'est qu'on mesure à quel point le profil social des gendarmes se transforme. C'est très spectaculaire parce qu'un gendarme au début du 19e siècle, c'est quelqu'un qui ne peut pas passer inaperçu dans la société. Il est sélectionné en fonction de sa grande taille, c'est vraiment significatif, hein, ce sont des très grands, plus d'1m70, ce qui est rare au début du 19e siècle. Ils savent lire et écrire, alors les mauvaises langues disent qu'ils savent lire ou écrire, mais en tout cas, ils ont une maîtrise minimale de l'écrit. Ils ont fait une carrière militaire, enfin, il y a tout un ensemble de critères qui font que ces gendarmes sont une exception dans la société. Et maintenant, si on se plonge un siècle plus tard, au début du XXe siècle, vers 1900, on a un profil qui est totalement différent. Ce sont d'anciens militaires, mais tous les hommes le sont devenus. Ils savent lire et écrire, mais les lois Ferry sont passées par là. Tout le monde sait lire et écrire. Et la taille minimale a diminué, alors même que la taille de la population, en général, a augmenté. Donc le gendarme, c'est une sorte de figure de vétéran guerrier en 1800, et c'est Monsieur Tout-le-Monde en 1900. Alors ça ne dit pas bien sûr qui ils sont et ce qu'ils font, mais c'est déjà un très fort indicateur, je crois, d'une forme de banalisation. Et dans cette banalisation de la figure du gendarme au sein de la société, fin du 19e, début du 20e siècle, il va y avoir un changement d'opposition, de critique des forces de l'ordre. Oui, alors on voit un déplacement justement de la critique. Tout à l'heure, on évoquait, en parlant des villageois qu'on empêche de danser ou en parlant de la police de la chasse, c'était plutôt les campagnes. Dans la première moitié du 19e siècle, la haine de la police et de la gendarmerie, elle vient d'abord des populations rurales, qui sont moins bien intégrées à l'État et qui contestent davantage le nouvel ordre national. En revanche, à la fin du 19e siècle, ces populations, finalement, sont mieux intégrées à la République. Il peut y avoir, bien sûr, des contestations. On en trouve en police de la route, d'ailleurs, mais c'est relativement secondaire. En revanche, on a une nouvelle tension qui apparaît, dès le milieu du XIXe siècle, mais qui se développe, c'est la tension avec les populations ouvrières des villes. Et typiquement, on va dire que la critique de la police, elle quitte le Massif central pour aller à Belleville. Et là, à la fin du XIXe siècle, le lieu de confrontation, c'est vraiment la ville. Et c'est très lié, cette fois, aux tensions qui sont aussi politiques, hein, qui sont aussi celles de l'émergence du socialisme, d'un discours critique de la République. Et c'est cette notion de gouvernementalité qui est au cœur aussi du rapport que la population a avec sa police. Jean-Claude Monod, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette gouvernementalité ? Et la gouvernementalité, je crois que c'est un néologisme que Foucault avait forgé pour désigner toutes ces relations de pouvoir qui sont en même temps réversibles, ou en tout cas pas forcément qu'on peut exactement renverser, mais en tout cas que l'on peut contester, dont on peut aussi s'emparer, enfin toutes les techniques qui font que les sujets, les individus, peuvent aussi construire des écarts ou s'approprier certaines dimensions de la gouvernementalité et en rejeter d'autres. Donc c'est, je crois, toute cette part de jeu qu'il y a dans la quotidienneté, disons, de la vie civile. Oui. Et évidemment, ça a évolué selon des points d'ancrage successifs. On peut dire que la gouvernementalité s'est pensée surtout en rapport avec la religion ou avec l'Église, ensuite qu'elle s'est plutôt justement sécularisée. Et donc les formes de rapport à soi et les formes de rapport au pouvoir aussi ont évolué de concert. Et voilà, cette contextualisation qui est au cœur, en fait, de la relation du peuple avec sa police est essentielle pour simplifier Jean-Claude Monod, mais c'est de l'immense simplification. Mais l'opposition qui est liée à la religion, on va dire, au XVIe siècle, il faut contester avec des arguments religieux, se déplace tout doucement, elle se déplace sur le champ de l'autorité, elle se déplace également sur le champ de l'économie. Vous avez évoqué, Arnaud Hout, que c'est à Belleville qu'on conteste. Et c'est dans les usines désormais, aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Mais que fait la police ? France Culture. Allô ? Le cours de l'histoire. Maigret à l'appareil. Xavier Mauduit. Excusez-moi, je ne vous connaissais pas. Voilà, il fallait un peu Maigret dans c'était Maigret, voilà, sur la police. Nous intéressons à cet invariant de contestation. Il faut tout de suite noter que cette contestation n'est pas la même dans l'ensemble de la société. Nous jouons beaucoup depuis que nous parlons sur le temps, 19e siècle, 20e siècle, d'accord. Mais dans la société, évidemment, Arnaud Hout, c'est pas du tout la même contestation selon qu'on se trouve en haut ou en bas. Absolument. Alors là aussi, il faut admettre que dans toutes les catégories de la société, il peut y avoir une critique de la police qui s'exprime, qui prend des formes spécifiques, mais qui évidemment va être très liée à la loi qui est elle-même largement inégalitaire. Donc ici, si on se place par exemple à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, sous la Troisième République, on peut observer que fondamentalement dans les rapports sociaux, on a des classes dominantes qui finalement acceptent le régime, qui vont parfois être en contestation sur certains points, mais qui savent négocier. On le voit en police de la route, où finalement, quand l'automobile apparaît, les gendarmes qui essayent de verbaliser les automobilistes, qui par définition sont riches, avoir une automobile vers 1920, il faut quand même avoir de l'argent, bah leurs procès-verbaux font pas long feu en justice. Et on voit bien que là, le rapport de force est favorable à la bourgeoisie. À l'inverse, si on descend dans la société, on mesure que là, le rapport de force est radicalement différent. Et évidemment, dans les populations ouvrières, on a plus largement le sentiment que le policier, le gendarme, est un petit peu l'empêcheur de tourner en rond de gérer ce que Foucault appelle des illégalismes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas nécessairement criminelles ou délinquantes, mais que la loi peut être amenée justement à qualifier de délinquantes en fonction des codes, en fonction des réglementations. Et c'est ça qui est très douloureux pour les populations les plus pauvres, c'est qu'elles ont cette fragilité d'être soumises à des interprétations juridiques, à des pratiques de la loi qui vont finalement très peu prendre en compte leurs propres revendications. Et au fur et à mesure que le temps passe, la population est confrontée à une omniprésence policière, une omniprésence de la loi tout simplement, qui regarde tout avec des policiers partout. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont jolis, les flics de notre pays. En tout cas, c'est ce que chantait Suzanne Gabriello. c'est bien connu, grâce à la beauté de ses filles et de ses avenues. On oublie pourtant un autre élément qui le rend coquet et qui fait de l'effet, car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, avec leur bâton blanc, leur sifflet, leur képi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ils ont des costumes bleu marine très bien coupés, avec ceinturon et gants blancs pour les égayer. Les autos séduites s'arrêtent bien vite pour les admirer au passage clouté, car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, avec leur bâton blanc, leur sifflet, leur képi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il faut les voir dans le soleil, en tenue d'été, cachés dans une petite guérite pour les abriter. Leur veston tout blanc est si engageant qu'on leur demanderait un demi, s'il vous plaît, car ils sont bien jolis, les flics de mon pays. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Suzanne Gabriello, les flics de mon pays, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Souad Boukorsa. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, mais que fait la police? L'hostilité envers la police est-elle un invariant historique? Et remettre en cause la police, est-ce remettre en cause l'État? Il y a une vraie réflexion sur le rapport avec la police à des moments essentiels de contestation. Arnaud Hout, un des moments essentiels au XXe siècle, et le régime de l'État français, le régime de Vichy. La Seconde Guerre mondiale, là, c'est une vraie rupture dans le rapport de la population à sa police. Oui, alors je pense qu'on pourrait même préciser et dire que c'est la sortie de guerre. Tout simplement parce qu'au début de ce régime de Vichy, il y a le sentiment trompeur, mais le sentiment d'une certaine continuité de l'État. Et la rupture, la remise en question va venir après. Elle vient en fait en 42-43, où là, effectivement, il y a la politique de collaboration, la pratique évidente de la collaboration et l'affrontement avec la résistance. Et surtout, elle dure. Elle dure dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, parce que il y a une interrogation sur comment épurer la police, comment réformer la police, comment tenir compte, justement, de ce qui s'est passé. Alors, c'est un moment très important, parce que tout l'héritage, finalement, du 19e siècle, qui avait permis, en gros, de donner une place à cette police, une place à peu près intégrée, tout est remis en question. Avec une sorte d'ouverture des possibles dans le débat politique, mais aussi dans le débat professionnel. C'est le moment d'ailleurs où on a les premiers vrais syndicats de policiers qui se mettent en place, qui essayent de proposer d'autres modèles de police, y compris des polices plus citoyennes. Il y a une CGT police qui se crée en 47. Enfin, il y a vraiment un moment un petit peu de flottement, on peut dire, alors qui ne dure pas très longtemps parce que 47, c'est la guerre froide. Et à ce moment-là, le rapport de force se rétablit. La priorité, c'est de garantir l'autorité de l'État, notamment face aux grèves de 47-48. Et donc, le moment d'ouverture et d'interrogation, il se rabat sur une continuité des structures, des hommes, parce que globalement, c'est les mêmes policiers à peu près qui restent en place. Et donc, on a un choix de continuité qui est fait. Alors le choix de continuité, c'est vrai qu'il est à souligner, parce que les gens ne disparaissent pas quand un régime, lui, s'effondre. Les gens restent, ils restent en place. Et puis, sur ce moment très particulier de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a une vraie réflexion sur le rapport à l'autorité. Jean-Claude Monod, vous avez écrit « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?» C'est vrai que le rapport au chef, alors on pourrait l'étendre, il y a bien sûr le chef de l'État, il y a la figure paternelle, et puis il y a le policier. Mais ce rapport au chef, il est intéressant. Parce que le chef est nécessaire. Mais quel chef? Oui, justement, c'est ce qui m'avait intéressé, c'est que par exemple, au moment de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y a la conscience de ce chef monstrueux qui est le chef totalitaire, et même éventuellement une identification de la figure du chef au chef totalitaire, à Hitler, etc. Et en même temps, on voit que dans la résistance, par exemple, il y a une réflexion sur ce qu'il faut sans doute des chefs de réseau, par exemple. Et quelqu'un comme Marc Bloch, grand historien que vous avez dû souvent évoquer ici, écrit quelque chose où justement il oppose le chef républicain qui agit par la persuasion, qui essaye d'agir plutôt sur les affects rationnels et d'ouverture, au chef totalitaire qui lui agit par l'hypnose des masses, qui essaye de violer les foules, etc. Donc je pense que le moment effectivement de 39-45 a été essentiel pour redéfinir le rapport à l'autorité en général, en estimant qu'il faut évidemment fixer des limites à l'autorité, y compris l'autorité, y compris des limites à l'obéissance à l'autorité, et que ça nourrit sans doute une redéfinition des pratiques de l'État, des pratiques aussi de la police. Et sur la question des continuités, c'est intéressant parce qu'évidemment, les moments où on a l'impression que la police retombe dans des pratiques totalitaires, on peut l'imputer par exemple à Maurice Papon hein, en 61. Donc il y a ces moments où on a des figures qui sont des figures de continuité et où on a des morts, etc. Alors je ne sais pas si c'est suffisant hein, pour analyser ce genre d'événements, mais en tout cas, je crois qu'il y a un moment où les pratiques de répression deviennent un critère pour juger si on est encore en démocratie, si on est encore dans un état de droit. Et bien sûr, le souvenir du fascisme, éventuellement d'autres formes de totalitarisme, et je crois très présent encore aujourd'hui hein, pour essayer d'apprécier l'action de la police. Hier, Daniel Tartakovsky nous disait sur l'émission que nous faisions, qui peut être écoutée hein, sur le site internet franceculture.fr, que CRSSS date des grèves de 1948. Arnaud Hout, sur ce rapport très particulier qui évolue en fait. Dans les années 60, on voit qu'il y a un vrai basculement. Hein. Papon a été évoqué préfet de police au début des années 60, et puis une autre figure de préfet, Maurice Grimaud, à la fin, lors de mai 68. On a une évolution du rapport avec la police. Il me semble qu'on peut en faire en partie une lecture, là aussi, d'histoire sociale. C'est un changement de génération. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les années 60 sont une rupture majeure, par de nombreux aspects, hein, sur le plan politique, mais aussi sur le plan de ce qu'on pourrait appeler une culture de guerre. Parce que finalement, les années 50, avec la guerre froide, mais surtout avec les guerres coloniales et la guerre d'Algérie en particulier, on est dans la continuité d'une logique de guerre. Et effectivement, Daniel Tartakovsky l'a démontré, la fin de la guerre d'Algérie à Paris, on est dans une culture de guerre. Mmh. Donc c'est aussi ça qui nourrit une continuité entre finalement la Seconde Guerre mondiale et le début des années 60. Et c'est ce qui s'arrête. Parce que dans les années 60, on a cette fois l'idée qu'on entre dans un temps de paix, de détente dans tous les sens du terme, de reconstruction et de modernisation. Et c'est fondamental pour la police parce que ça correspond aussi à une vague de recrutement. Il y a un vrai renouvellement. C'est-à-dire que là, il y a un rajeunissement des effectifs qui est lié aussi à des raisons démographiques, hein, tout simplement, et budgétaires. On met en place des moyens. Donc le passage de Papon à Grimaud, finalement, c'est les chefs. Le mauvais chef, le bon chef, hein, pour reprendre un peu l'image d'Épinal, mais qui n'est pas fausse d'ailleurs. Donc ici, on a le changement des chefs, mais on a surtout le changement des hommes. Au fond, le policier de 68, bien entendu, il y en a qui étaient déjà en service en 61, mais pas forcément la majorité. Et justement, ça correspond à une autre forme d'entrée dans le métier, une autre forme de socialisation qui se fait dans un contexte qui n'est plus celui d'une culture de guerre, mais qui est celui d'un temps de paix où la police va être jugée par sa capacité justement à maintenir l'ordre efficacement et surtout avec le moins de dégâts possible. Bien justement, ce changement de culture policière, Arnaud, transparaît dans un communiqué de l'Union syndicale de la préfecture de police. C'est un communiqué daté du 22 mai 1968 et il nous est lu aujourd'hui par Olivier Martineau. Les policiers comprennent parfaitement les mobiles qui animent les salariés en grève et déplorent que la loi du 28 septembre 1948 leur interdise de participer dans les mêmes formes aux mouvements revendicatifs actuels. Ils n'oublient pas que très récemment, lors des manifestations estudiantines, les policiers ont été opposés aux manifestants alors que toute la recherche des solutions possibles par les voies de la négociation et de la bonne volonté, ainsi qu'il a été rapidement démontré, n'avait pas été épuisé. En conséquence, il souhaite que les pouvoirs publics tiennent compte de ce qui précède et n'opposent pas systématiquement les policiers aux travailleurs en lutte revendicative. Faute de quoi, ils seraient en droit de considérer l'exécution de certaines de leurs missions comme autant de graves cas de conscience. Lecture du communiqué de l'Union syndicale de la préfecture de police du 22 mai 1968, donc mai 68, hein, on est en plein pendant les événements, par Olivier Martineau. Jean-Claude Monod, sur le rapport à être gouverné, la police est un intermédiaire, on le sent bien, entre l'État et puis ceux qui se réfléchissent, qui réclament quelque chose. Quand nous écoutons ici ce communiqué qui évoque la négociation, en fait c'est ça aussi le gouvernement. Être gouverné, c'est accepter d'être gouverné. Oui, c'est quelque chose qui se renégocie sans cesse aussi. C'est dans le rapport, évidemment, entre les gouvernants et les gouvernés. Et une des grandes modalités de ce rapport, c'est bien sûr la discussion des lois, mais la discussion jusque dans la rue, donc la protestation éventuellement contre des mesures qui paraissent injustes. Et la répression que rencontre éventuellement cette contestation des lois. Et on voit que c'est quelque chose qui, au fond, à chaque fois, peut relancer cette question que vous avez placée, comme tête d'émission, qui est celle de la légitimité de l'État lui-même. Au fond, hein, l'État est à la fois celui qui négocie et qui transforme éventuellement les rapports sociaux, qui transforme la loi et qui négocie justement les conditions de cette transformation. Et je pense que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le sentiment s'exprime beaucoup, hein, alors dans quelle mesure est-il fondé, ça on peut le discuter, mais que, comme le disait un peu ce communiqué, les voies de la négociation ne sont souvent pas poussées assez loin et que la voie de la répression est choisie un peu trop vite, avec du fait sans doute aussi d'un affaiblissement des médiations, alors aussi des médiations syndicales, des médiations politiques, des partis, etc. Une logique d'affrontement est bien souvent ce qui paraît peut-être plus efficace dans le rapport aux gouvernants. Et ça, c'est quand même assez préoccupant, parce qu'on a l'impression que la modalité de la négociation et la modalité du compromis paraît de moins en moins pratiquée et du coup praticable, si bien que les mouvements sociaux ou les formes de protestation ont tendance à aller vers une certaine radicalité, tout simplement parce qu'elles ont l'impression que sinon ça n'a pas d'effet. Alors on l'a vu bien sûr au moment des gilets jaunes, avec là, l'idée que finalement c'était ça qui pouvait avoir un effet, faire réagir un gouvernement qui paraît sourd. Il faut aller presque jusqu'à la violence. Aussi les mouvements de désobéissance civile ou sur le plan écologique par exemple, le sentiment que au fond là aussi il y a une surdité et qu'il faut adopter des moyens plus radicaux. Et dans ce cas-là, évidemment, la police vient un peu en première ligne parce que c'est elle qui va devoir gérer éventuellement une spirale de violence. Et là, on revient à quelque chose qui est sans doute le plus difficile dans des régimes comme les nôtres. Et heureusement que c'est difficile, hein, si c'était facile, parce que ça reste, je pense, un critère justement dans la contention de la violence et la rétention aussi par l'État de sa propre violence. Donc, voilà, ça reste une question cruciale, je pense, dans l'appréciation de la capacité de l'État à gérer des conflits. Et c'est une constante, Arnaud Hout, dès que l'État n'est plus apte à laisser une marge de manœuvre aux contestations, il y a des tensions sociales beaucoup trop fortes, et c'est à ce moment-là que la police se trouve confrontée face à face à l'opposition sans aucune marge de manœuvre, et le regard évidemment est plutôt très négatif sur ces forces de l'ordre. Absolument, c'est une des questions qu'on retrouve dans le débat sur le maintien de l'ordre, notamment dans les 50 dernières années, depuis 68, puisque au fond, la doctrine dominante des 50 dernières années était qu'il fallait laisser s'exprimer les revendications et qu'il fallait justement écouler les flux, dans une logique visant à éviter l'affrontement pour éviter des drames comme la mort de Malik Houssekine en décembre 1986. Le tournant récent, sans doute à dater, si on reste en tout cas sur les grandes manifestations de la loi travail de 2016 en fait à peu près, c'est celui d'une plus grande confrontation, pour des raisons qui relèvent sans doute moins ici de choix policiers que de choix politiques, mais qui effectivement aboutissent à mettre en place des confrontations. Mais ce qui est intéressant dans l'archive que vous nous faisiez écouter sur 68, c'est qu'on entend justement ici des policiers exprimer leurs états d'âme. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. Quand on disait que la police est aussi un corps de diversité, ça reste vrai aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des syndicalistes policiers qui ont été récemment punis de peines disciplinaires très lourdes pour avoir exprimé leur divergence avec les pratiques de répression actuelles. Mais au-delà de ça, c'est un thème fondamental des années 70 c'est que les syndicats policiers sont très critiques à l'encontre du gouvernement. Ils reprochent aux ministres de l'Intérieur successifs de privilégier le maintien de l'ordre et de négliger la sécurité ordinaire. Et ça, c'est un thème très fort dans les années 70. C'est justement ce que fait la police. Finalement, les syndicats de police, la FASP en particulier, reprochent au ministère d'employer la police contre les grévistes et en revanche de ne pas l'employer sur le terrain, là où les gens demandent. Les années 70, c'est l'explosion des cambriolages. Et donc justement, l'idée qu'ils ne sont pas là où on voudrait qu'ils soient. Avec cette réflexion de critiquer la police, donc de critiquer la domination qu'exerce la police, qui serait le bras armé de l'État, mais la raison de la critique. Et là, Arnaud, vous évoquez critiquer la police parce que elle empêche les grèves. Et nous sommes dans une vision politique de la critique. On critique une domination politique. Mais Jean-Claude Monod, vous analysez, vous, un changement aujourd'hui de forme de domination? Oui, il y a évidemment des grandes transformations dans les modalités et dans peut-être les puissances dominantes de la domination en général. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'effectivement, dans les années 70, on s'est beaucoup intéressé à la façon dont l'État, justement, devenait invasif, envahissait la vie privée, envahissait toutes les dimensions de la vie quotidienne, y compris en un sens Foucault ou Deleuze. Et puis, il y a eu cette impression que finalement, il y a une dimension de la domination qui était un peu laissée, pas de côté, mais au fond, c'était la dimension de la domination économique telle qu'elle s'exerce sur un mode qu'on ne peut pas justement contester de la même façon. Enfin, on ne peut pas interpeller une multinationale de la même façon qu'on peut interpeller éventuellement un ministre ou un politique. Et donc, la critique de l'État, à un moment, s'est trouvée un petit peu en porte-à-faux avec éventuellement une transformation de la domination économique qui avait, au fond, assez peu besoin de l'État ou qui pouvait redéployer l'État et éventuellement diminuer l'État. D'ailleurs, il y a cette question évidemment d'une certaine diminution de l'État social et d'un redéploiement de l'État pénal. Bon, ça a été une tendance de la sociologie qui a pu analyser ce basculement peut-être de manière trop poussée, mais de l'État social vers l'État pénal. Et en tout cas, je pense qu'effectivement, CRSSS, l'identification de l'État à la répression, ça a pu faire manquer quelque chose qui était que l'État avait aussi évidemment une dimension de protection, y compris de protection sociale. Et je trouve intéressant qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les perceptions et dans les mises en image de la police, il y a ces deux dimensions. D'un côté, on peut dire il y a les Misérables, le film qui montre la police justement contestée et presque haïe dans certains quartiers. Et puis il y a un film de Desplechin qui est sorti l'année dernière, Roubaix et Lumière, où on a plutôt l'image de la police comme presque le dernier filet pour des gens qui sont abandonnés par l'ensemble des services sociaux. Ce sont eux, les policiers, qui sont face à la réalité sociale. Arnaud Hout, en un mot, dites-moi. Justement, il y a un basculement de ce point de vue. C'est très intéressant parce que quand on voit la police des Misérables, le film de Ladj Ly, c'est une police d'intervention. Et Roubaix une lumière, c'est un commissariat de terrain, finalement. C'est ce qu'on appelait le débat de la police de proximité des années 1990. Mais au fond, c'est aussi ça. C'est deux fonctions différentes de la police. Merci beaucoup, Arnaud Hout. Histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours, chez Belin. Donc là, on peut se plonger parce qu'on remonte aux guerres de religion et ça va très loin et c'est magnifique. Et vous, Jean-Claude Monod, l'art de ne pas être trop gouverné, c'est au seuil. Et là aussi, on commence avec les guerres de religion. Donc, deux perspectives sur le très long terme. Merci beaucoup à vous deux. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin, retour sur le massacre de Katyn en Pologne, une énigme de la Seconde Guerre mondiale, alors résolue seulement à la fin de la guerre froide. C'est Cédric Tourbe qui retrace cette histoire dans son documentaire « Les bourreaux de Staline, Katyn 1940 », avec l'ambition de rendre public les noms de ceux qui ont orchestré ce massacre de plus de 4000 hommes dans une forêt du nord-ouest de la Russie. Au nord-ouest de la Russie se trouve la forêt de Katyn, sous laquelle reposent plus de 4000 officiers polonais, massacrés en 1940 par les services secrets soviétiques. En 1941, le pacte germano-soviétique est rompu et les Polonais en exil comptent leurs forces pour prendre part à la libération de l'Europe depuis l'invasion allemande. On cherche ces milliers d'hommes disparus que l'on pensait prisonniers de l'armée rouge. Pourtant, ces officiers restent introuvables et les soviétiques ne semblent pas vouloir aider à expliquer ces disparitions. La Wehrmacht, qui met un temps les forces soviétiques en déroute, annonce la découverte d'un charnier à Katyn en août 1941. Et le régime nazi en profite pour transformer cette découverte en un trésor de propagande sur la cruauté intrinsèque au communisme, sans savoir d'ailleurs réellement à qui l'on doit ces exécutions massives. Pendant près de 50 ans, le doute est entretenu sur les auteurs de ce massacre, aujourd'hui connu, le NKVD, futur KGB, la police secrète soviétique. Le film de Cédric Tourbe retrace l'histoire de ceux qui ont perpétré ce massacre de Katyn et de la constitution de cette force secrète, créatrice du goulag, qui devient bientôt caractéristique du régime stalinien. Les nettoyeurs de toute la violence mise au service de la vitrine soviétique qui promettait le bonheur enfin trouvé pour toutes et tous. Les bourreaux de Staline, c'est l'histoire d'une politique de l'effacement et du secret. Effacement des concurrents politiques, des récalcitrants au nouvel ordre socialiste selon Staline, mais aussi effacement de ceux qui prêtent leur force à cette dissimulation pour faire disparaître toute trace des crimes du régime et renouveler ses dirigeants abîmés par leurs basses œuvres. Une politique du secret d'État qui le définit bientôt, une mémoire constamment effacée pour sauvegarder le régime de son propre épuisement. Avec la complicité des Occidentaux qui ont besoin de cet allié de taille pour gagner la guerre et par la suite pour ne pas enflammer une guerre qui se veut froide. Katyn n'est plus qu'un secret de polichinelle que le pouvoir soviétique, en voie de décomposition, n'est plus en mesure de protéger. Si les doutes ont circulé jusqu'à la chute de l'Union soviétique, dès 1943, les observateurs d'une enquête de la Croix-Rouge internationale ont acquis la conviction que le charnier ne pouvait être attribué à la violence nazie. Mais ce n'est qu'après 1990 que le bilan est établi. Au total, 22 000 membres de l'élite polonaise, cadres et officiers, intellectuels et hommes politiques, qui ont été exécutés pour faciliter la soviétisation des territoires de l'Est de la Pologne. Un bilan qui s'ajoute à celui déjà lourd de la Deuxième Guerre mondiale et qui pèse encore aujourd'hui sur la Pologne. Merci Anaïs. Les bourreaux de Staline, Katyn, 1940 de Cédric Tourbe. C'est un film documentaire à voir sur la plateforme Arte ou mardi prochain, le 25 février à 20h50 sur votre écran de télévision. On retrouve le journal de l'histoire, lui, sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès, Camille André, Aurore Juvenel, une programmation assurée par Amélie Perrault. Et demain, artiste ou agitateur, mais quel héritage historique de ceux qui veulent faire bouger l'art.